avait au Far West un nommé Marmora qui mourut comme une bête abattue par sa cigarette. C'est bien. Je suis pas du mal, hein.